Roberto. Ah ouais, je savais pas que c'était Roberto. Attention, mi. Suite. Je me rappelle plus des accords. J'ai perdu les accords.